Schweiz hat mehr als 4 Sprachen. So, so, glo, so, so, do. Hello, Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagno, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Bonsoir Lomé, bonsoir Atakpamé, bonsoir Bafilo, bonsoir Mango, bonsoir Sokoli, bonsoir à tout le peuple togolais vaillant combattant de liberté pour l'adhérence pacifique au Togo. Crise politique au Togo, pourquoi le référendum, bien qu'étant une disposition de la Constitution, est-il suicidaire pour le combat démocratique que mène le peuple togolais? Pour en débattre, nous allons recevoir deux membres de la diaspora togolaise. Mais bien avant cela, il va commenter et analyser la situation sociopolitique au Togo avec nous. Il s'agit de notre confrère Abiy Alpha, directeur du journal Le Rendez-vous. Et merci de votre fidélité. Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique. La voix des sans-voix. La voix des opprimés. Eh bien, merci de votre fidélité sur le 3xW, Canal K.CR, FM Liberté, Radio de Nigman, Radio à Volonté. Coucou le Tétinta, la voix de la résistance du peuple togolais, et va commenter et analyser la crise sociopolitique au Togo avec nous. Je l'avais annoncé en début d'introduction de cette émission. Abiy Alpha, il est directeur du journal Le Rendez-vous. Abiy Alpha, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Amos, bonsoir et bonsoir aux auditrices, auditeurs de Canal K en Suisse. Eh bien, vous venez de publier dans votre journal un article qui a attiré l'attention de notre rédaction. L'article est intitulé « Togo, terrorisme d'État, militaire égorgé, incendie, deux crimes, même opératoire, même énigme ». Eh bien, Abiy Alpha, avant de vous relancer sur le cas des incendies des marchés, quelle est votre analyse sur le cas PNP, Parti national panafricain de Tipi Hatadam, qualifié par le pouvoir de parti djihadiste? Oui, confrère. Évidemment, dans notre dernière livraison, nous nous sommes intéressés à une analyse comparée des incendies des marchés et des prétendus crimes sur deux militaires à Sokodé, parce que nous avons estimé que les faits sont trop justes pour être un hasard. Évidemment, comme vous voulez le savoir, par rapport au fait qu'on accuse... qu'on doit le PNP d'être un parti djihadiste, et la réponse elle est très simple. Si on doit s'en tenir à ça, ça veut dire que le régime s'est nourri du djihadisme depuis longtemps et que les cadres musulmans qui entourent M. Fornia Singbe sont les premiers djihadistes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le caractère djihadiste du PNP, s'il a existé, a commencé par être... perçu par le RPT Unir depuis le 19 août dernier. On ne devient pas djihadiste du jour au lendemain. C'est une longue préparation. Je ne suis pas un spécialiste pour vous en donner les détails, mais ce que nous savons est que depuis longtemps, le régime RPT Unir a pris comme en otage la communauté musulmane et que ce soit sur vos antennes, que ce soit dans les écrits, même dans les médias. Sur le plan international, on a toujours accusé la communauté musulmane du Togo d'être sous une coupe collée du régime en place. L'Union musulmane, vous savez ce qu'elle vaut par rapport à la politique. Elle est toujours alignée derrière le régime. Et ce sont les parents, les barons du régime qui la nourrissent, qui la guident, qui sont l'intelligence de la gestion de cette Union musulmane. Ça veut dire que pendant longtemps, il y a eu des gens qui ont nourri d'une certaine idéologie toute une communauté, et à partir du 19, ce que la communauté a appris, elle a commencé par mettre ça sur le terrain, et puis le régime s'inquiète. Alors que le régime m'a envoyé ses cadres musulmans, je vais parler des Nachaba, des Barké, des Abouda Souma, tous ceux que vous voyez comme barons musulmans qui ont longtemps entouré l'Union musulmane et le régime en place. Ça veut dire que c'est eux qui ont entretenu la communauté musulmane, qui leur ont gavé de l'idéologie djihadiste. Parce que je ne pense pas que depuis que le PNP est né, les musulmans ont changé de qibla. C'est-à-dire les musulmans n'ont pas changé de direction vers où faire la prière. Ils prient toujours vers la Mecque. Ils n'ont pas tourné la tête à l'ancienne direction de la prière. Rien n'a changé dans les cinq pratiques de la religion musulmane. Et si aujourd'hui les gens pensent que c'est tout ce qui est musulman, autogé, djihadiste, c'est comme ça que moi je vois. En tout cas, je sais que si on doit un peu faire un feedback à l'histoire, le PNP n'est pas la première victime, et il ne serait pas la dernière. Vous savez, pendant toute sa carrière politique, j'ai cru sur l'Olympia avec les différentes formations politiques qu'il a gérées, a été traité de terroriste. Aux yeux du RPT INIR, aucun discours le concernant n'a jamais échappé au mot terroriste. Entre-temps, les gens ont voulu opposer le Nord et le Sud, ont demandé aux gens du Nord de se méfier des gens du Sud. Les gens ont vu que ce discours ne portait plus. Entre-temps, c'était la Kabia et l'été. Après, les deux communautés ont compris que s'il y a deux peuples qui sont plus proches l'un de l'autre, c'est plutôt les Kabia et les Kotokoli. Et les gens ont compris que c'était un faux débat. Donc les clichés que le RPT INIRA a toujours utilisé pour diviser afin de régner ne portent plus de fruits. Donc si aujourd'hui ils ont trouvé une fibre sensible comme le djihadisme pour, n'est-ce pas, affaiblir un adversaire en face, si ça les marche, tant mieux. Ce que moi je sais, que j'ai grandi dans ces milieux, s'il y a une région qui est beaucoup tolérante par rapport à la cohabitation religieuse, c'est la région centrale. Moi qui vous parle ici, le parent chez qui j'ai grandi, mon parent, mon tuteur qui m'a nourri depuis l'âge de 6-7 ans jusqu'à un niveau presque universitaire, il s'appelle Émile Issaka. Il s'appelle Émile, hein, il m'a donné, je ne veux pas aller dans les détails pourquoi on l'appelait Émile, mais il s'appelle Émile Issaka. Ça n'a pas empêché qu'il soit l'imam de sa localité, ça n'a pas empêché qu'il soit celui chez qui tout le monde venait apprendre le Coran. Chez nous, les églises et les mosquées, ça cohabite, et ça fait partie ça fait parfois l'objet de railleries depuis des décennies. Donc c'est un peu ça que je peux dire du PNP. Si les gens trouvent que parce que le PNP devenait un dérangeant, c'est le cliché qui lui convient le moins. L'essentiel, que ça les marche. Mais je pense que si ça les marchait actuellement, sur le plan international, on n'accordera pas autant d'importance aux responsables, aux premiers responsables du PNP. Actuellement, de toutes les délégations, le monsieur Tipi Achadam est présent. Et l'essentiel, que ça marche pour les gens. Et je crois que c'est un faux débat. On ne va pas tergiverser là-dessus. Ceux qui pensent qu'il faut aller fabriquer des subterfuges, des élégations pour, n'est-ce pas, coincer un adversaire, nous leur souhaitons bon vent. Mais justement, c'est un faux débat. L'affaire des incendies des marchés est qualifiée d'énigme par bon nombre de Togolais. Et vous revenez sur cela dans votre article à Bielfa. Alors pourquoi cette histoire des incendies des marchés est une énigme selon vous? Oui, confrère, cette histoire de ce crime d'incendie des marchés de 1900. De 2013, je crois bien que ça va rester pendant longtemps une affaire énigmatique parce que elle est passée sous plusieurs questions qui sont restées soif de réponse. Vous n'êtes pas sans savoir que dès les premières heures après cette forfaiture-là, M. Fornia-Singue s'est empressé de demander une expertise israélo-française afin que l'État togolais puisse savoir quel a été le mode opératoire et les outils utilisés pour, n'est-ce pas, réussir ces crimes-là. Donc, les experts ont fait leur travail et ça a permis de savoir que c'était du kérosène qui a servi à brûler les marchés. Ne dispose pas du kérosène au Togo qui veut, ce n'est pas du beignet qu'on vend au premier supermarché du coin. Donc, c'est l'État togolais seul qui avait la main sur, et jusqu'à présent qui a la main sur du kérosène. Si à un moment donné, il y a un incendie qui est parti du kérosène, donc allez-y comprendre. Et puis, les incendies du marché de Lomé et de Kara, a commencé par Kara. À la première, on peut estimer que c'était un accident et que ça ne va plus se produire. Quand, après 48 heures, la même chose se produit à Lomé, et alors que précédemment, la directrice du grand marché de Lomé a pris soin de monter sur la chaîne mère du pays pour rassurer les commerçants et commerçantes du grand marché de Lomé, comme quoi ce qui est advenu à Kara ne va pas se produire à Lomé et tout le monde peut dormir tranquille sur ses lauriers. Quand une directrice comme ça assure sans qu'une disposition ait été prise autour du marché et que dans la même soirée, autour de minuit, 1 heure, le second feu se déclenche, et tu sais, ça fait problème. Ça fait problème. Et puis, depuis là, les noms des gens ont été avancés comme étant les mecs qui sont derrière la forfaiture. Depuis là, ils ont essayé tant bien que mal de se débattre dans des arguments qui ne tiennent pas la route. Jusqu'à présent, le procès, vous savez mieux que moi que le procès a pris du plomb dans l'aile. Donc voilà un crime qui est resté irrépondu. Les enquêtes ont été demandées par la coalition à l'époque. Je crois bien que c'était le collectif Sauvons le Togo. Les enquêtes ont été demandées. Jusqu'à présent, aucune suite n'a été donnée. On n'a pas ouvert une enquête de façon neutre. Et ça n'a tout au plus que permis de mettre le grappin sur quelques indésirables. On a mis entre-temps mis Fabre, Jean-Pierre Fabre, sous contrôle judiciaire. D'autres sont allés en prison. Vous savez que il y a au moins un mort dans cette affaire-là. En prison, c'était Etienne Yakanou qui est mort. Donc, c'était un crime odieux qui s'est produit au nez et à la barbe de l'autorité togolaise dans une zone qui est censée être la zone la plus sécurisée de la République parce que c'est à quelques encablures de la prison de la République à Lomé et que ça s'est produit. Et vous savez mieux où se trouvait le grand marché de Daoulato, c'est à quelques coups de volant de la présidence. Et vous savez que cette zone est hautement militarisée, nuit et jour. Et le produit, l'incendie s'est déclenché en face d'une gendarmerie. Une gendarmerie, ce n'est pas un bureau où on ferme pour rentrer le jour et revenir, rentrer la nuit et revenir le jour. Il y a une permanence dans une gendarmerie qui, plus, est une gendarmerie qui est censée faire la sécurité du marché. Donc, c'est un peu ça qui nous pose. Il y a plein, plein de questions qui sont restées, des questions floues qui culpabilisent l'autorité togolaise. Quand on me dit qu'il y avait des commerçantes très très proches des barons du régime qui avaient des grands magasins au grand marché, qu'elles ont eu, elles ont eu pris soin de vider leurs magasins avant que les incendies ne viennent. Quelles informations elles avaient par rapport à la venue, à la survenue des incendies pour Tout à fait, c'est la qu'elles question, viennent oui. dégager les lieux avant que le crime n'ait lieu. Donc voilà autant de questions qui font de ces crimes un crime, Tout à n'est-ce fait. pas, énigmatique. Qu'il va falloir un jour quand même, n'est-ce pas, élucider pour que les Togolais aient droit à la vérité, surtout qu'il y a eu beaucoup Tout de à fait. victimes. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup de victimes. À Bialfa, la crise politique perdure et le dialogue annoncé peine à prendre corps. La coalition exige la libération de tous les détenus politiques et ceux de l'affaire des incendies des marchés Et pour Jean-Pierre Fabre, chef de feu de l'opposition, ce sont des préalables qui vont aboutir au dialogue. Et quant au pouvoir, ces mesures d'apaisement tardent à se faire totalement. À Pialfa, les deux camps se renvoient les responsabilités. Alors finalement, à quoi faut-il s'attendre? Effectivement, c'est à l'œuvre qu'on voit l'artisan, tu vois. Et cette affaire du préalable, ce n'est pas Fabre qui les a fabriqués, ce n'est pas Chadam, ce n'est non plus Adjamabo. C'est du commun accord avec les témoignages des médiateurs que les gens sont convenus, comme quoi il faut libérer les détenus politiques, il faut faire ceci, il faut faire cela, avant que les gens ne s'asseyent autour d'une table pour, n'est-ce pas, accorder leur violon. Et puis, s'il y a des gens à libérer, c'est bien ceux qui les détiennent qui les libèrent, c'est le régime qui détient les gens. C'est le régime qui les détient les gens, et si jusqu'à présent ils ne sont pas libérés sur une centaine qui est censé être libéré jusqu'à présent, il n'y a que deux, notamment les deux imams. Parce que, je ne sais pas, les gens pensent qu'ils vont faire ça pour, n'est-ce pas, réussir un effet d'annonce, ça n'a pas marché. Vous vous rappelez le jour-là, il était annoncé que les gens devaient être libérés à la prison de Kara. C'est toute une chaîne humaine qui attendait à la queue pour, n'est-ce pas, aller faire les formalités et revenir à la maison, mais à la dernière minute, on est venu prendre que les deux imams et tout le monde est retourné à mer dans sa cellule. Donc, c'était un effet d'annonce. Et les gens sont parvenus à faire croire aux médiateurs qu'ils ont rempli les préalables, ce qui n'a pas été fait. Donc, c'est ici l'occasion pour les médiateurs de savoir ce que valent les engagements pris par, n'est-ce pas, le régime RPT unir, et puis vous savez que ce n'est pas le premier engagement. Donc je crois que aussi longtemps que ces préalables n'ont pas été respectés, ça va être difficile qu'il y ait dialogue. Et puis quelque part aussi, c'est une façon pour le RPT unir qui n'a pas voulu de ce dialogue. Il a presque été imposé par les médiateurs à M. Fornia Singbe. Pour Fornia Singbe, il sait bien que ce que son adversaire va mettre sur la table par rapport au dialogue ne le sait pas. Il ne veut même pas en savoir à quoi ça ressemble, parce que il s'est dit qu'il a de l'argent, il peut corrompre tout le monde sur la chaîne, il peut faire circuler, véhiculer les mallettes d'argent, il a la force au pays, il peut militariser le pays, il peut créer un camp ici, créer un camp là-bas, et puis faire de la population ce qu'il veut, parce qu'il a pu avoir un poignet de Togolais à qui il a remis les armes achetées par notre sueur, il les a remis les armes pour terroriser, pour faire les enlèvements, pour n'est-ce pas, embastiller comme il veut, quand il veut, selon les besoins. Et M. Fornia Singbe, quand actuellement toutes les options sont cuites pour lui, il ne lui reste que la corruption active qui marche à travers l'argent du pays qu'il a emmagasiné assez, et puis la force brute, la brute dont il dispose. Donc par rapport à ça, ne croyez pas que M. Fornia Singbe et son système sont en train de remettre d'offrir aux Togolais le dialogue comme une série sur les gâteaux. Je ne crois pas, ça leur a été imposé, et puis ça va être difficile que ça commence. Notre souhait est que ça commence, mais moi j'aime pas grand espoir, parce que ça a été imposé, je dis bien encore, ça a été imposé. Et si le régime peut faire quelque chose pour que ça échoue, il le fera, et je crois que c'est ça qui a commencé. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Oui, très très bonne analyse à Bialfa. Certains intellectuels togolais soutiennent que l'opposition est dans l'illégalité de demander le départ de Fornia Singbe. Et depuis 1992, les élections ont toutes été contestées à Bialfa. Et par contre, le pouvoir maintient sa légalité. Alors, on se pose la question, quel est votre avis sur la transparence des élections au Togo? Qu'en est-il de la légitimité à Bialfa? Bon, les intellectuels, c'est selon. Tu sais, moi, cette caste-là n'a jamais été mon souci. Et le Togo en souffre. On n'est pas à la même loge que les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres. Et nos intellectuels sont plutôt un syndicat de soutien au régime en place, à quelques encablures près, à quelques exceptions près. Donc c'est vrai qu'il y a dans leur dans ce monde-là des exceptions, puisque c'est l'exception qui fait la règle, que ce soit dans le monde des médecins, des professeurs en lettres et autres, il y a des gens qui font exception, qui sont encore fiers de leur dignité. Malheureusement, la grande majorité est à fond par rapport aux problèmes socio-économiques, politiques que traversé toujours notre République. Donc moi, je suis quelqu'un qui n'a pas appris à compter sur les intellectuels, ni aujourd'hui, ni demain. Je ne pourrai pas compter sur eux. Maintenant, par rapport aux élections, au caractère frauduleux ou transparent des élections, je ne vous enseigne rien. Vous êtes Togolais comme moi. Et le fait que vous soyez hors du territoire ne fait pas de vous quelqu'un qui est moins informé que nous qui sommes ici. Et surtout que nous tous avons fait le même métier. Tous ceux qui nous écoutent ont aussi leur information. Tout le monde touche la réalité du doigt tous les jours que Dieu fait. Donc chacun, c'est pour dire que chacun sait de quoi sont faites les élections au Togo. Vous avez été témoin, le Togo a été le seul, c'est vrai. Même dans les pays qui ont connu la guerre, notamment au niveau de la région centrale de l'Afrique où à un moment donné les guerres ont fait la loi et on n'a jamais vu des militaires prendre la poudre d'escampette avec les urnes pendant un processus électoral. C'est au Togo ça s'est passé. Pour la première fois, les chaînes internationales en ont fait leur scoop. Donc c'est pour vous dire qu'ici, on a toujours utilisé l'armée pour n'est-ce pas, tailler les élections au goût du jour, au goût du régime en place. Donc parler de transparence par rapport aux élections, c'est un leurre. C'est un leurre et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle actuellement ce régime qui est vomi de partout et qui ne peut même pas mobiliser la population dans une seule ville pendant que les adversaires qui n'ont rien, ils n'ont que leur mot d'ordre pour mobiliser, pendant que les adversaires, n'est-ce pas, font trembler toutes les villes, ils ne peuvent même pas mobiliser, même dans leur supposé fief. Entre-temps, il y a des villes qui étaient des chasses gardées pour le régime en place, notamment la ville de Kara. Et quand Kara veut mobiliser pour soutenir le régime, on sait que c'est vraiment le régime en territoire conquis. Maintenant, à quoi se ressemble, vous vous rappelez de quoi a couché la dernière tentative de marche dans la ville de Kara? C'est pour vous dire que tout le pays est miné contre les dirigeants. Ils sont vomis de partout parce que 50 ans, c'est quand même assez. Donc, tout le monde en a assez. Il n'y a aucune couche sociale qui ne demande pas que quand même il passe la main pour qu'on voit ce que d'autres viendront pouvoir faire. Et, tu vois, l'excellence se découvre, se déniche dans la concurrence. Quand il n'y a pas de concurrence, vous pensez que vous êtes le meilleur. Et pendant 50 ans, si vous avez gardé le ring, vous ne pensez pas qu'il y a quelqu'un aussi qui peut avoir une estocade un peu plus sérieuse que la vôtre. Voilà vers où on va. Les élections, c'est à la togolaise, à l'image que M. Fori Assingbé et son équipe ont toujours donné aux élections. C'est d'ailleurs pourquoi ils ne peuvent pas mobiliser, malgré même que parfois ils mettent l'argent devant pour, n'est-ce pas, corrompre, acheter la conscience des marcheurs. Malgré leur argent, ils n'arrivent pas à mobiliser. Paradoxalement, c'est eux qui invitent l'adversaire sur le terrain des élections. Vous comprenez qu'il y a une machine qui attend pour, n'est-ce pas, tailler les élections à l'image du régime cinquantenaire. C'est un peu ça que ressemblent les élections. La transparence des élections au Togo, c'est par rapport à la machine à fraude au Togo. Donc, c'est un peu ça qu'il faut le comprendre. Merci, mon frère. En tout cas, Abiy Alpha, vous avez parfaitement raison. Le peuple togolais ne croit plus aux élections. Eh bien, samedi 13 janvier dernier, ils étaient des milliers à sortir dans les rues de Lomé à l'appel de la coalition. La même date, la diaspora, notamment à Berlin, Freiburg et dans plusieurs villes aux États-Unis, au Canada, la mobilisation ne faiblit pas. Alors malgré tout cela, Abiy Alpha, Fori Assingbé fonce au droit au référendum et le pouvoir est en train de mettre en place bien la CENI. Alors on peut se poser la question, un piège à con à l'opposition participationniste aux élections antérieures, Abiy Alpha? Par rapport à l'issue à donner, au cas où les PT n'y refonçaient tout droit dans le mur par rapport à leur référendum, Par rapport à la réponse à donner, je ne peux pas répondre en lieu et place des hommes politiques. Chacun, chaque formation politique digne de ce nom a son état-major. Ils ont leur cellule de réflexion. Certainement que ce sujet c'est en train de faire l'objet de débats au niveau de chacun. Et puis je crois qu'ils vont finir par, n'est-ce pas, chacun faire connaître sa position. Et vous devez savoir que actuellement ils ont intérêt à agir de façon à ce que la population ne les prenne pas pour des traîtres. Donc je crois que c'est une nouvelle dynamique qui est venue. Votre dernière réponse, je crois que j'ai déjà trouvé une réponse. Une réponse a déjà trouvé dans la précédente. Je crois savoir que le piège à Caen n'aura pas lieu parce que l'opposition ne se laissera pas, n'est-ce pas, encore une fois, hein, embastillé par un marché de dupes. On ne peut pas être mordu par, n'est-ce pas, le même scorpion X fois. Et actuellement, la grande sentinelle est là. La grande sentinelle, ce n'est pas le chef de file de l'opposition, ce n'est pas un Achadam, ce n'est pas une Adjamabo, mais c'est la population qui observe tout le monde, qui fait la sentinelle et qui dit à bas mot aux opposants ce qu'ils doivent faire. Et je crois que ça va accoucher quelque chose de potable. Les changements de régime de 50 ans, ça n'a toujours pas été facile. Et je crois que ce qui se passe actuellement ne rentre que dans la logique, dans l'ordre normal des choses. Ça ne va pas être facile, mais beaucoup de signes indiquent que ce régime, le temps est venu. Parce que 50 ans, c'est quand même deux générations. 50 ans, c'est toute une vie entière. Et on ne peut pas laisser les gens. Et puis, si ces messieurs-là offraient, n'est-ce pas, un paradis pour les Togolais, on dirait, bon, c'est vrai, ils ont duré, mais personne ne se plaint. Vous faites la durée et puis tout le monde se plaint, mais c'est normal qu'un jour, ça va s'éclater. Et puis, le moment est venu, nous observons, on va voir jusqu'où ira l'entêtement de M. Forgna Sengbe et sa clique. C'est bien une question de clique, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de cabillet, de thème, de moba ou bien de ona. C'est une clique qui entoure, grâce à une force qu'ils détiennent, l'argent qui a été, n'est-ce pas, volé ici et là dans les sociétés d'État, ils se sont enrichis, ils sont organisés. Je ne peux pas dire que c'est sectaire, mais c'est quand même quelque chose de semblable. Et on appelle ça un État, une République. Ils sont débrouillés pour mettre tout l'État en faillite, tout ce qui est État, tout ce qui est secteur névralgique économique est tombé en faillite. Pourtant, on dit que nous sommes gérés par un économiste gestionnaire. Ils ont une armée à leur, n'est-ce pas, à leur service pour mater là où il faut mater, pour discipliner là où il faut discipliner, pour, n'est-ce pas, mettre en exil ce qu'il faut mettre en exil pour qu'ils puissent continuer par, n'est-ce pas, prospérer dans leur endettement de la République. Mais nous osons croire que toute chose a une fin. Et si toute chose a vraiment une fin, je crois que cette fois-ci est la fin de ce régime qui quand même ne peut pas continuer par prendre toute une République en otage éternellement. Des systèmes plus réfléchis, plus solides que ça n'ont pas pu dépasser 50 ans. Ce n'est pas M. Forgna Sengbe qui fera des miracles, quoi. Donc c'est un peu ça que les Togolais pensent, c'est un peu ça qu'on lit dans le quotidien des Togolais. Nous allons garder nos yeux pour observer. Merci beaucoup à toi et à ta radio et à toute ta rédaction. Bien des choses à tous ceux qui nous écoutent, et à plus. Merci beaucoup également à Bialfa. Je rappelle que vous êtes directeur du journal Le Rendez-vous. Merci d'avoir commenté et analysé la crise sociopolitique avec nous. Merci câblé sur le 3xW canalka.ch, Radio Denigma FM Liberté, Radio à volonté. Nous marquons une pause et nous retrouvons tout de suite nos invités pour le débat citoyen. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Wawe magbona, mechwa chikapu na miwo, koklo chutwa fokre bida, lewa honubeo. Wawe magbona, mechwa chikapu na miwo, koklo chutwa fokre bida, lewa honubeo. Neti lewo si, nova, nova, mipo, mipo, lewo se lewo u, nova, nova, mipo, mipo, nyampe ma uya, mechwa punu wo. Nejile wosi, nova, nova, mipo, mipo, newusele wawu, nova, nova, mipo, mipo, nyape mawuya medwa punu wo. Nejile wosi, nova, nova, mipo, mipo, orewusele wawu, nova, nova, mipo, mipo, nyape mawuya medwa punu wo. Wawe magbona, mechwa jikapona mipo, koklo chuta fokle bina. Lewa manubeo, wawe magbona, mechwa jikapu na miwe, koklo chuta fokle bina, lewa manubeo. Neti lewo si, nova, nova, mipo, mipo, lewo se lewo wu, nova, nova, mipo, mipo, mipo, nyape ma uya medwa punu wo. Neti lewo si, nova, mipo, lewo se lewo wu, nova, nova, mipo, mipo, Nyape ma uya medwa punu wo. Mi ma vokbe de wo. Mi ma vokbe de wo. Ovenu pe ma wo adu jina mi. Mi ma vokbe de wo. Mi ma vokbe de wo. Ovenu pe ma wo adu jina mi. Mi ma vokbe de wo. Mi ma vokbe de wo. Mi ma vokbe de wo. Mi ma vokbe de wo. Netu le di di ma. Mi ma vokbe de wo, ovenu pe ma wo, adu jina mi. Mi ma vokbe de wo, mi ma vokbe de wo, mi ma vokbe de wo, mi ma vokbe de wo, netu le di di ma. Mi ma vokbe de wo, ovenu pe ma wo, adu jina mi. Mi ma vokbe de wo, mi ma vokbe de wo, ovenu pe ma wo, adu jina mi. Mi ma vokbe de wo, mi ma vokbe de wo, ovenu pe ma wo, adu jina mi. Mi ma vokbe de wo, mi ma vokbe de wo, mi ma vokbe de wo, mi ma vokbe de wo, netu le di di ma. Mi ma vokbe de wo, ovenu pe ma wo, adu jina mi. Mi ma vokbe de wo, mi ma vokbe de wo. Mi ma vokbe de wo, ovenu pe ma wo, adu jina mi. Soldiers, arise! Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analysant, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Au menu de la crise togolaise, le point de désaccord relatif à l'interdiction faite à tout Togolais d'aller au-delà de deux mandats. En un mot, le retour à la constitution originaire de 1992. Face à cela, le pouvoir fonce droit vers un référendum couplé aux élections législatives et locales. En revanche, l'opposition et la grande majorité du peuple s'y opposent. Pourquoi le référendum, bien qu'étant une disposition de la constitution, est-il suicidaire pour le combat que mène le peuple togolais? Nous en débattons avec deux membres de la diaspora togolaise et nous accueillons en ligne depuis l'Allemagne Senouvo Agbota Sissou, ancien membre du Conseil de la République, auteur de plusieurs articles sur le combat démocratique au Togo en ligne depuis l'Allemagne. C'est nous, Agbota Zizou. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain Amos. Merci. Bonsoir, les auditeurs de Radio Avant l'été. Et de Radio Canal. Bonsoir à tous nos compatriotes. Merci beaucoup. Et je le disais, ici en Suisse, depuis Genève, nous accueillons également Joseph Apido, philosophe et politologue à Genève. Bonsoir, Joseph Apido. Bonsoir, Sylvain Amos, et bonsoir, le doyen Zinsou. Bonsoir à tous les compatriotes togolais. Monsieur Apido. Oui, mais c'est un honneur pour moi de discuter avec vous, Monsieur Zinsou. Tout à fait. Moi aussi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi aussi. Merci, merci beaucoup. La crise togolaise perdure. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous organisons tout le temps ce genre de mission pour pouvoir éveiller les consciences. Rapidement, la toute première question à Odoyen Senouvo Agbota Zissou. Comment peut-on parler de référendum ou d'élection dans l'état d'ébullition tous azimuts actuel au Togo? Senouvo Agbota Zissou. Merci beaucoup, Sylvain Amos. Ce que je retiens, c'est le mot ébullition. Ce qui m'intéresse, c'est de nous poser la question et de poser la question à nos compatriotes, qu'ils soient de l'opposition ou du RPT Unir, de savoir si, sereinement, dans la situation présente, dans le bain où nous sommes actuellement plongés, un référendum a un sens quelconque. Le référendum, il faut le comprendre comme une des tentatives menées depuis longtemps par le régime pour se maintenir en place. Ça n'a pas un autre sens. Après tout ce que nous avons vu, toutes les tentatives d'intimidation, de corruption. Vous vous rappelez que un matin, l'un des meneurs du mouvement, Tiki Akiada, a retrouvé sur son compte 42 milliards de francs CFA et qu'il a donné automatiquement l'ordre à son banquier de retourner l'argent à son envoyeur. Il y a eu toutes les agitations et les opérations dites de charme du régime pour gagner la sympathie du peuple, des populations, opération que, heureusement, presque toute la population a observée sans grand intérêt, sinon en les regardant comme des comportements purement ridicules. Il y a eu la tentative du Premier ministre, entre guillemets, de convoquer les chefs des partis d'opposition à un dialogue. Il y a eu les déclarations, également entre guillemets, sur des médias internationaux dans le but de décourager le mouvement. Et allant même jusqu'à dire qu'il y a eu une qu'il y aurait eu une tentative d'insurrection et que cette tentative a échoué. Il y a eu également le fait que le pouvoir a tenté d'accuser certains citoyens d'être des terroristes, des djihadistes, etc., et qui seraient en train de préparer à introduire au Togo le djihadisme. Il y a eu le siège autour de certaines villes qui sont considérées comme étant des fiefs de l'opposition, en particulier du parti de Tiki Akiada, qui est le meneur du mouvement. Il y a eu toutes ces tentatives-là. Et s'il n'y avait eu que ça, eh bien, on dirait que c'est de bonne guerre. Et on les regarderait plutôt en riant. Parce que moi, je ne prends pas tout ça très au sérieux. Et je suis convaincu que beaucoup de concitoyens ne les prennent pas au sérieux dans toutes ces tentatives. Tout à fait. Mais ce qu'il y a de grave et d'inadmissible, c'est la répression sanglante que nous avons connue, avec le nombre de morts qui ne cesse d'augmenter, avec les arrestations arbitraires, donc en gros, doyen Sinouvo Agbo Tazissou, on ne peut pas parler de référendum ou d'élection dans l'état d'ébullition sous azimuth actuel au Togo. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit, qu'il faut que nous nous posions la question. Si réellement, dans ce bain-là, si réellement, on peut parler de référendum. D'accord. On ne peut pas parler de référendum. Tout à fait. Il y a une tentative, comme d'autres, et je n'ai pas cité, par exemple, le recours à des chefs d'État étrangers, en particulier à ceux de la sous-région, On va en parler lorsqu'on abordera les questions sur le dialogue. Le dialogue, on va en parler également. On va voir également ce que pense Joseph Apido, qui est philosophe et politologue à Genève. Au menu de la crise togolaise, le point de désaccord relatif à l'interdiction faite à tout Togolais d'aller au-delà de deux mandats. Pourquoi le référendum, bien qu'étant une disposition de la Constitution, est-il suicidaire pour le combat que mène le peuple togolais? Joseph Apido. Sylvain Amos, merci beaucoup. Merci au doyen Zinsou Agota. Merci au peuple togolais de sa vigilance. Le référendum est un arbitrage par lequel le législateur, le Parlement ou l'exécutif d'un pays consulte le peuple souverain afin de départager les opinions divergentes au sujet d'un point litigieux ou qui a un intérêt collectif. Tout à fait. Et pourquoi justement, dans le cas du Togo, le référendum, bien qu'étant une disposition de la Constitution, est-il suicidaire pour le combat que mène le peuple togolais? C'est ce que pensent bon nombre de Togolais et d'observateurs, même sur le plan international. Joseph Apido. Oui, c'est le référendum, dans les conditions actuelles, est suicidaire. C'est une démarche suicidaire. C'est-à-dire? D'une part, pour celui qui l'organise déjà, parce qu'il ne sait pas le lendemain de ce référendum. Deux, l'organisation ou la tenue d'un référendum au Togo en l'état est une stratégie pour noyer la constitution de 1992. Cette constitution-là, la constitution togolaise de 1992, a été tripatouillée ou suspendue ou modifiée ou soumise à un toilettage. C'est le mot que les officialités togolaises avaient prononcé. Or, cette terminologie de toilettage n'est pas un concept de droit constitutionnel. Et donc, tenter d'organiser un nouveau référendum sur la Constitution revient à abroger la Constitution de 1992. Cela est inadmissible, Zinsou. Cela est inacceptable parce que dans toutes les formes de droit moderne, une loi plus récente abroge une loi plus ancienne si elle le déclare expressément. Dans toutes les formes de droit, la loi plus ancienne est suspendue ou abrogée si la loi nouvelle organise la matière que contient l'ancienne loi d'une façon entièrement différente et se substitue à elle. Dans le code du droit canonique, le canon 20 est assez explicite à ce sujet. Et donc, l'idée d'organiser un référendum sans nous dire les tenants et aboutissants explicites n'est pas une façon constitutionnelle de faire. Ce n'est pas une approche idoine. Joseph Apedo, actuellement, la constitution togolaise permet d'organiser un référendum. Alors, pour vous, donc là, dans la situation actuelle, il y a le doyen Sylvo Agbota Dissou vient de décrire tout à l'heure la situation critique que traverse le Togo. Et selon lui, des répressions de tout genre, et selon, on a même utilisé le terme d'ébullition. Donc, doyen Sylvo Agbota Dissou l'a dit, dans cette situation, tout à suite, donc on ne peut pas organiser un référendum. Donc, mais loin de là, est-ce que les élections sont transparentes au Togo? C'est aussi la question que se pose bon nombre de panafricains également, à Pedro Joseph. Sylvain Amos, je voudrais dire que l'idée de référendum ou la réalité même d'un référendum, le peuple togolais connaît bien cela. Le peuple togolais connaît bien les référendums. Le 24 août 1946 était organisé le premier référendum au Togo. Lors de ce suffrage universel, les personnes adultes avaient le choix entre deux bulletins de vote de couleurs différentes. Le premier désigne la fin du régime de tutelle. Le deuxième évoque le maintien du régime de tutelle. Les électeurs ont majoritairement voté la fin du régime de tutelle de la France le 24 août 1946. Ça, c'est le premier référendum. 10 ans plus tard, les Togolais se sont à nouveau prononcés lors du référendum du 28 octobre 1956. En choisissant l'autonomie à plus de 58%. On parla alors de autonomie et c'était la fierté, c'était le printemps du Togo. Lors du référendum du 27 avril 1958, les Togolais ont voté pour l'indépendance de leur pays. Donc ça fait déjà 3 référenda. Les Togolais connaissent donc la réalité du référendum. Ils ont l'expérience des référenda. Ok. D'accord. Ce n'est pas tout. Puis, l'élan radieux, le printemps du Togo explosa avec la tuerie du président Sylvanus Olympio et le renversement de la République. Le Togo est alors plongé dans une seconde République jusqu'à la fin de 1990. En réalité, cette seconde République se poursuit jusqu'à cet instant où nous parlons. Pour autant, le 27 septembre 1992, les Togolais sont convoqués, étaient convoqués au référendum constitutionnel. Sur 1 900 000 inscrits, on constata lors du dépouillement 15 600 votes blancs et invalides, C'est ainsi que sur 1464 479 votants, 0,83, c'est-à-dire 11 942 bulletins seulement, étaient contre le référendum constitutionnel du 27 septembre 1992. Les bulletins favorables s'élèvent à 1 436 856, ce qui représente 99,17%. La constitution du 27 septembre 1992 est adoptée et favorable au multipartisme, à la limitation du mandat présidentiel à deux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci quand même d'aller au fin fond même de cette problématique-là, sur la transparence des élections. Pourquoi il y a eu tant de référendums? Pourquoi on ne peut pas organiser actuellement un référendum au Togo? Senvo Agbuta Zissou, là, dira-t-on que le peuple togolais est divisé? Non, je ne pense pas. Là, la vérité, c'est qu'il y a bon nombre de Togolais qui sont fatigués de ce régime séquentenaire, qui répondent massivement à l'appel de la coalition, des 14 partis politiques de l'opposition. Et de l'autre côté, il y a aussi une minorité qui soutient, ça c'est une vérité, le pouvoir de Faure Gnassingbé. Donc, il y a eu également deux manifestations il y a quelques semaines arrière. Il y a aussi le pouvoir unir qui a aussi manifesté dans les rues. Et on pouvait également lire sur les pancartes des partisans de Unir, nous voulons le référendum. Donc, il y a d'un côté, les partisans de Unir veulent le référendum et les partisans de la coalition ou bien les Togolais qui veulent l'alternance ne veulent pas de ce référendum. Alors, qui parle vraiment au nom de ce peuple togolais-là? C'est la question qu'on peut se poser, c'est une voix Agbuta Zissou. Oui, je suis très redevable à notre compatriote Apedo qui a fait un peu l'historique des référendums qui ont eu lieu au Togo. De ces référendums, on retient surtout, les Togolais se souviennent surtout de celui du 27 avril 1958. Moi, j'étais tout petit, mais j'avais causé un peu avec mon grand-père, qui, disons-le tout de suite, était un nationaliste, et il m'avait dit que si jamais ce référendum-là avait eu lieu sous le contrôle du pouvoir colonial de la France, eh bien, le peuple togolais n'aurait jamais gagné. Ceci me fait penser un peu au référendum qui a eu lieu dans l'ensemble des colonies françaises en Afrique et au cours duquel seule la Guinée avait opté pour l'indépendance. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé après? Les Français, par mesure de représailles, ont tout fait pour laisser la Guinée dans un état déplorable avant de plier bagage. Alors, moi, je me dis que ce référendum que réclame Unir, eh bien, si jamais c'est le même pouvoir que nous avons en place qui organise ce référendum-là, dans cette situation d'ébullition, un référendum organisé avec un esprit qui est tout sauf un esprit serein et un esprit de renouvellement de la classe politique, un esprit réellement national, eh bien, soit il le gagne par les méthodes que nous connaissons depuis le temps des Yadema, soit il le perd et alors ils vont chercher à mettre le pays à feu et à sang. Donc, c'est bien beau de dire nous voulons le référendum. Le référendum de 58 a été organisé sous le contrôle de l'ONU. Et c'était le seul moyen pour que les aspirations du peuple togolais soient réellement prises en compte, pour que ce référendum fût réellement transparent, réellement valide et ait réellement un sens. Un référendum organisé dans la situation présente, avec tous les dispositifs mis en place par le pouvoir RPT Unir, dont nous connaissons les méthodes, eh bien, ce référendum-là n'aboutira à rien de bon pour le Togo. Tout à fait. Il faut le dire. Vous l'avez dit tout ailleurs, mais je vous ai relancé sur une question très, très importante. Alors là, il y a le pouvoir qui dit qu'il parle au nom du peuple togolais et la coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui mobilise beaucoup de Togolais dans les rues, qui dit également qu'il parle aussi au nom du peuple togolais. Alors qui parle vraiment au nom du peuple togolais là? Parce que de l'autre côté de l'UNIR, il y a des manifestants qui disent que voilà, ils veulent eux le référendum que propose le pouvoir actuel. Oui, ils veulent le référendum exactement comme ils ont voulu les élections qu'ils ont gagnées, à la manière que nous connaissons. Donc, si on les laisse faire, et surtout, j'espère que cela ne va pas arriver, si certains des partis réellement de l'opposition participent à ce référendum-là, ou appellent à voter dans le cadre de ce référendum-là, eh bien, ce ne serait pas du tout pour le bien du Togo. Ce ne serait pas du tout une façon de mettre réellement le Togo sur la voie que désire le peuple. Alors maintenant, j'en viens à cette notion de peuple. Franchement parlant, lorsque UNIR organise des contre-manifestations, uniquement pour montrer que ce parti aussi a des partisans, eh bien, ceux qui ont comparé ont dit qu'il n'y a rien, rien de comparable entre le nombre de manifestants dans la rue lorsque c'est les partis d'opposition, la coalition des 14 partis qui appellent à manifester, et lorsque c'est UNIR qui appelle à manifester. Bon, je dirais même, en allant plus loin, en me fondant sur certains analystes qui, à mon avis, ont conduit des analyses très justes, que le parti RPT Unir ne dispose pas de plus, d'après un sondage, de plus de 10% d'intention de vote. Alors, si Unir tient à organiser le référendum, il ne lui reste que la fraude. Et nous connaissons les méthodes de fraude, le dispositif mis en place. Nous connaissons même les manières rocambolesques, ridicules, dont le RPT Unir se comporte. Je ne suis pas sûr que les partis réellement d'opposition qui sont regroupés en ce moment au sein de la coalition des 14 puissent appeler à voter dans ce référendum-là. Et alors, à quoi nous allons assister? À ce à quoi nous sommes habitués depuis le temps des Yadema, en passant par les élections de 2005. Où nous avons vu des bourrages d'urnes, où nous avons vu des militaires, se souvent avec l'une sous le sel, l'une sur la tête, où nous avons vu des militaires entrant dans les bureaux de vote pour tirer et faire peur à la population Voilà. Je ne crois pas que ce référendum-là, organisé dans ces conditions, par le pouvoir que nous avons en place actuellement, puisse être une bonne chose. Tout à fait. Et il faut que, objectivement, nos amis du Parti UDIR réfléchissent. En tout cas, ce référendum serait tout sauf quelque chose de serré. D'accord. Sauf quelque chose qui présage de bon avenir pour le Togo. Tout à fait, on a compris. Merci, merci Doyen. Au menu de la crise togolaise, le point de désaccord relatif à l'interdiction faite à tout Togolais d'aller au-delà de deux mandats. En un mot, le retour à la constitution originelle de 1992. Face à cela, le pouvoir fonce droit vers un référendum couplé aux élections législatives et locales. En revanche, l'opposition et la grande majorité du peuple s'y opposent. Pourquoi le référendum, bien qu'étant une disposition de la Constitution, est-il suicidaire pour le combat que mène le peuple togolais? À mes auditeurs, nous en débattons avec deux membres de la diaspora, Doyen Senvoa Gbotasesu, ancien ministre du Haut Conseil de la République. Il est également auteur de plusieurs articles sur le combat démocratique au Togo. Il est en ligne depuis l'Allemagne. Et ici même en Suisse, à Genève, Joseph Apido, il est philosophe politologue. Eh bien, retour au débat avec nos invités. Joseph Apido, si les élections étaient la panacée de la crise politique du pays, alors pourquoi, malgré toutes les consultations électorales depuis 2005, on en est encore là à parler de dialogue ou de négociation? Joseph Apido. Sylvain Amos, je voudrais encore saluer la réflexion très critique et pertinente du doyen. C'est nouveau à Gotha. Il est toujours pointu, hein? Ah ben oui, c'est des gens qui ont de l'expérience. Tout à fait. Ils connaissent le terrain. Il était dans le Haut Conseil. De la République. Exactement. Donc, il dit des choses concrètes. Allez-y. Les populations togolaises exigent de façon insistante, de manière prépondérante et soutenable, le rétablissement en l'état originel de la Constitution de 1992. Pourquoi? Pour connaître une société, une organisation ou un individu, il faut comprendre le sens de son action. Pourquoi les populations togolaises majoritairement réclament la constitution du 27 septembre 1992. Pour cela, il nous faut faire une sociologie compréhensive. Mais le temps qui nous est imparti est limité. Je vais directement saisir le sens, ce que vivent les Togolais et ce pourquoi ils se mobilisent avec autant de force, de dynamisme et d'énergie. J'étais au Togo en octobre et en novembre 2017, donc ça fait 3 mois. J'étais à Lomé, j'ai sillonné, j'ai Atapamé, et Lavagnon, je suis allé jusqu'à Izaki, en passant par Morétan. Je suis revenu, j'ai parcouru le pays juste pour regarder ce qui se passe non seulement dans les grandes villes, mais dans les périphéries. Je peux te dire que le peuple togolais veut de toutes ses forces la restauration en l'état de sa constitution du 27 septembre 1992. Pourquoi? Avant de donner ma réponse, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'une loi nouvelle ne peut révoquer la loi précédente sans en faire mention expresse. Si on veut changer une loi, il faut le dire de la façon la plus claire et nette. Or, les Togolais qui connaissent les référendums n'ont pas vu la modification de la Constitution du 27 septembre 1992. C'est ça le problème. Parce que pour modifier la constitution d'un État, il y a des critères objectifs. Lorsqu'on ne respecte pas ces critères, l'acte posé est frappé de vice de forme. Et en droit moderne, un vice de procédure annule l'acte. Pour modifier la Constitution, 1. Il faut l'annoncer le plus largement possible. Il faut annoncer les articles à modifier. Il faut fixer la date de la modification. Et ce jour-là, il faut ouvrir un débat contradictoire à l'Assemblée nationale et passer au vote par l'anonymat. Est-ce qu'on a fait ça en 2002 au Togo? Pas du tout. Pas du tout. Exactement. Donc au Togo, ces procédures n'ont pas été suivies ni en 2002 ni en 2005. C'est dans l'après-midi du 31 décembre 2002, pendant que le commun des gens faisait les dernières courses pour la Saint-Sylvestre, qu'une rumeur s'ébruitait dans la capitale Lomé que les Togolais pourraient se retrouver le jour de l'an avec leur constitution retouchée, modifiée par toilettage. Mais c'était des rumeurs. Ce n'est pas de cette façon qu'on modifie la constitution d'un État. Parce que la constitution, disons-le, n'est pas un contrat. D'accord. Un contrat, on peut le signer au cours d'un voyage, dans un terrain de jeu ou dans un bar, par exemple. La constitution n'est pas un contrat. La Constitution n'est pas non plus un code de la route, par exemple, où vous pourriez vous arrêter quelque part en chemin pour... Non. Et la Constitution n'est pas un règlement qu'on pourrait retoucher au petit bonheur, la chance, chaque fois. Tout à fait. La Constitution est le verbe constitutif de l'État. La Constitution est sacro-sainte, inviolable. Le peuple d'un État constitué est donc respectable en droit. Un tel peuple exige qu'on le respecte de jour comme de nuit, tout à fait. En tout temps et en tout lieu. Joseph Apedo, allez-y. Je voudrais... Lorsqu'on n'a pas fait cela, le peuple n'a pas compris pourquoi sa constitution de 1992 devrait être subrepticement abrogée par un nouveau référendum. C'est ça le problème. Tout à fait. Joseph Apedo, puisqu'on parle de ce référendum, c'est aussi c'est dans le cadre d'élections également. Vous avez fait parvenir un document, vous avez fait une étude sur le découpage électoral au Togo. Et là, vous avez pointé du doigt beaucoup d'anomalies. Donc, le cadre électoral pour vous au Togo est totalement défectueux. C'est ce que vous disiez, Joseph Apedo. Tout à fait. Alors, au Togo, soyons clairs, les sièges du Parlement sont attribués aux préfectures et non aux populations. Et puisque les préfectures sont des antennes ou des lieux de représentation du pouvoir central, et que ces préfectures sont créées de façon inégalitaire dans le pays, l'attribution des sièges du Parlement aux préfectures en vient à contourner le peuple souverain. En 1981, par exemple, c'est 35%, c'est au nom de 35% de la population qu'on attribua 65% des sièges du Parlement au Togo. En 2013, si je prends les dernières législatives, donc vous parlez du Parlement actuel, il y a une législative au Togo. Si vous regardez bien les chiffres officiels, les chiffres des officialités togolaises, vous constatez que le parti RPT Unir a totalisé 880 608 voix. 880 600 voix, si vous voulez. Les partis de l'opposition réunis, le collectif Sauvons le Togo, l'Arc-en-Ciel et l'Union des forces du changement, si nous additionnons leurs voix, tenez-vous bien et tiens-toi bien, Sylvain Amos, l'opposition togolaise a totalisé 894 094 voix. Conséquence, le RPT Unir qui a totalisé 880 600 voix a 62 sièges au Parlement. En revanche, l'opposition qui a 10 000 voix de plus que le pouvoir en place a 28 sièges au Parlement. Vous trouvez ça normal? Voilà pourquoi mon argumentaire est de démontrer que l'attribution des sièges du Parlement aux préfectures en vient à contourner et à détourner le suffrage universel au Togo. Ça, c'est un. De deux, j'ai cartographié la situation des préfectures au Togo. Et il y a des préfectures comme Dagny, comme Assoli, qui ont tout simplement, Dagny a 30 000 voix, 30 000 résidents. Et Dagny a deux électeurs, enfin a deux sièges au Parlement. Assoli a 60 000 résidents, deux sièges. Si vous prenez le Zio, vous pourriez additionner Assoli et Dagny. Leur population n'atteigne pas le Zio, qui a trois sièges. Ce n'est pas tout, Sylvain Amos. Le pouvoir en place a encore créé. Alors, je commence par la partie septentrionale de notre pays. Allez-y. Dans la région des savanes, deux nouvelles préfectures sont créées. La préfecture de Kpenjal est subdivisée en Kpenjal original et en Kpenjal ouest. Donc, il va falloir donner encore des sièges à Kpenjal Ouest, dans Sillar législatif. Loti a été aussi fragmenté en deux. Loti original, avec Mango, la capitale, et maintenant, ils appellent ça Loti Sud. Ça fait deux nouvelles préfectures. Dans la région centrale, ils ont créé la plaine de Meaux. Dans la région des plateaux, ils ont créé Agnié. Et bien sûr, Bamono devient aussi préfecture. Donc, si tout cela n'est pas clair en l'état actuel, je rejoins le doyen Zinsou et j'affirme que le suffrage, que la députation, si on l'organise, ben ça va dans l'air. Donc, il y a au Togo des gens qui ont deux sièges parce qu'ils ont 20 000 habitants, des préfectures qui ont deux sièges parce qu'ils ont 60 000 habitants, d'autres qui ont 35 000 habitants et ont deux sièges, et d'autres qui en ont plus et qui n'ont pas. Donc, ça fait un système à vitesse variable. Telle est ma première critique factuelle que je constate sur le terrain. D'accord. Maintenant, lorsque on veut tenir un référendum, c'est-à-dire lorsque le législateur togolais veut consulter l'opinion de son peuple pour un sujet aussi capital qu'est la Constitution, vous voyez bien, je vous ai dit que j'ai été dans le pays. Vous voyez bien qu'il y a Bafilo. Les gens n'ont pas accès. Moi-même, j'ai rebroussé chemin. Mango, vous n'y arriverez jamais. Sokodé, c'est pas possible. Donc, comment on veut organiser une consultation constitutionnelle au suffrage universel direct dans de telles conditions? Ça ne tient pas. Ça ne peut pas jouer. D'accord. C'est un manque de respect, tout simplement, pour la population. Et donc, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, ils s'amusent avec nos populations, et ça, c'est inadmissible du point de vue de la science politique, puisque là, je parle des chiffres. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, Joseph Apédon, on va voir ce que pense également le doyen Senouva Gbota Zissou. Le doyen Senouva Gbota Zissou, vous avez suivi attentivement, puisqu'on a laissé le temps à Joseph Apédon, puisqu'il nous avait fait parvenir un document très, très instructif. Le pourquoi un référendum est suicidaire pour le combat que mène le peuple togolais. Senouva Gbota Zissou, est-ce que vous avez une réaction après avoir écouté Joseph Apédon? Eh bien, je me réjouis d'avoir à débattre avec un scientifique de la chose. Moi, je ne suis qu'un littéraire. Je le dis pour enlever tout équivoque. Et je pense que le raisonnement qu'a conduit notre compatriote mérite d'être largement diffusé dans le sens de ce que tu fais, Sylvain Amos, qui est de nous faire prendre conscience. Nous avons eu des débats dans le même genre que le raisonnement de notre compatriote au sein du ICR, au moment où nous allions voter la loi électorale et où nous allions également réfléchir sur le quota à accorder à chaque préfecture en cas d'élection législative. Et je pense que notre compatriote a parfaitement résumer la situation pour que nos compatriotes comprennent ce à quoi on nous mène. La conclusion de tout ceci est que nous sommes menés par des gens qui sont arrivés au pouvoir d'une manière tout à fait en dehors de l'orthodoxie démocratique, et qui ont acquis un certain nombre de privilèges qu'ils craignent de perdre, et que ces gens-là sont prêts à tout faire pour conserver le pouvoir et donc pour conserver leurs privilèges. Disons-le franchement, ils n'ont pas d'autre but. Mais lorsque ce que beaucoup de gens appellent « clic », eh bien, lorsque cette clique-là va organiser quoi que ce soit, référendum, élection, etc., ils n'auront qu'une préoccupation. C'est la conservation du pouvoir et la conservation de leurs privilèges. Malheureusement, par le passé, il faut que nous commencions à reconnaître que beaucoup de nos opposants, eh bien, ont fait leur jeu. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé lors des dernières législatives. Mais mon avis est que, une fois que l'on prend conscience d'une erreur qu'on a commise et qu'on veut réparer cette erreur, eh bien, il faut absolument dire que nous ne pouvons pas, avec cette même assemblée, avec la CENI mise en place par cette assemblée, avec tous les appareils mis en place par ce pouvoir, nous allons faire un référendum, des élections, etc., qui nous permettent réellement de partir sur une nouvelle base. Et je l'ai dit une fois, ce à quoi le peuple togolais aspire, ce n'est pas seulement à un changement de gouvernant, mais c'est à un changement profond, c'est-à-dire une révolution, c'est-à-dire un retournement complet de toute cette situation-là qui est viciée. Notre compatriote a parlé tout à l'heure de vice de forme. Eh bien, il y a beaucoup de choses dans notre situation actuelle qui sont viciées. Le fichier électoral, beaucoup de chefs des partis d'opposition l'ont dit, est vicié. Tout à fait, tout à le fait. Le code électoral, le code électoral est fabriqué sur mesure. Tout à fait. Je arranger le parti au pouvoir. Tout à fait. Je voudrais vous relancer sur cette question. Le cadre électoral, Doyen Sinwa Agbota Tissou, le cadre électoral et les institutions impliquées font-elles partie du lot des sujets de réforme que toutes les parties semblent vouloir? On veut parler du RPD Unir et de la coalition des 14. Donc aussi, oui. Alors pourquoi organiser des consultations avant les réformes, Doyen Sinwa Agbota Tissou? Eh bien, à mon avis, franchement, si on se met encore autour de la même table pour discuter de réformes, eh bien, à mon avis, on est en retard. Le temps de parler des réformes est révolu. Il faut parler du changement total et complet afin que si une nouvelle administration est mise en place, cette nouvelle administration-là puisse réfléchir réellement, profondément, sereinement aux réformes. Et alors, on ne fera pas des réformes pour permettre à tel ou tel parti ou à telle ou telle catégorie des gens de conserver le pouvoir, de conserver leurs avantages, leurs privilèges, mais on permettra réellement à la nation d'avancer. Merci beaucoup, Doyen Sinwa Agbota Tissou. On va toujours rester dans le cadre électoral. On va relancer Joseph Apedo qui a quand même produit un document là-dessus. Alors, quel cadre électoral et quelle institution pour l'organisation des élections dans les règles de l'art si le peuple togolais doit encore croire aux élections? Joseph Apedo. C'est une très bonne question et j'enchaîne avec le discours tout à l'heure très limpide de notre doyen Tissou Agbota que je remercie encore. Lorsqu'on fait une élection législative ou une consultation constitutionnelle, c'est une question de chiffres. Et ce sont les personnes adultes qui peuvent voter. J'ai travaillé sur la date de 2010 pour ne pas brusquer qui que ce soit. OK? En 2010, il y a eu au Togo un recensement général de la population et de l'habitat. En 2010, la population togolaise s'élève à 6 200 000 habitants. Pas plus, pas plus. Ceux qui disent 7 millions, c'est des faussaires. La population togolaise à 6 200 000 habitants. Et donc, combien de gens peut inscrire le ministère de l'Intérieur pour les élections? Ça, c'est la question pertinente. Je l'ai abordée dans mon petit papier et je constate que sur 6 200 000 habitants au Togo, le ministère de l'Intérieur a inscrit 3 277 000, disons 3 200 000. Ce qui est donc faux. Ça fait 53%. Les individus qui ont moins de 15 ans font déjà 55% au Togo. Donc, le fait d'inscrire pour au scrutin du 4 mars 2010, 3 200 000 officiers est une fausseté triomphante. Deux, j'ai regardé dans la sous-région, à la même époque, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 25 230 000 habitants, et vous savez combien ils ont inscrit? 6 300 000, c'est-à-dire 25%. Si vous regardez au Burkina Faso, avec une population de 22 millions, ils ont inscrit 27%. Au Bénin, où la démocratie est plus avancée, sur 10 320 000, ils ont inscrit 3 010 000 inscrits. Et donc, 28%. En moyenne, le Togo, dans la situation où nous sommes, où il n'y a pas de route, où beaucoup de villages ne sont pas reliés, où pendant les campagnes, même les officiels s'arrêtaient, laissaient tous les autres villages parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Le Togo ne peut pas inscrire 25% de sa population au titre d'électeur. C'est pas possible, ça devient superfétatoire. Mathématiquement, c'est impensable. Tout au plus au Togo, on doit avoir 1 500 000, pas plus. Alors, vous savez, Sylvain Amos, en nous posant ces questions, tu soulèves, enfin vous soulevez le conflit. Un conflit n'est pas mauvais. Si on lit Georges Simmel, l'Allemand, il dit le conflit n'est pas mauvais en soi, parce que le conflit c'est comme un miroir. Il révèle les parties en conflictualité. Il leur fait voir ce qu'ils sont ou ce qu'elles sont. Et plus que l'effet miroir, le conflit permet de réfléchir sur la médiation. Le conflit permet également à chacun d'arrondir les bords, de trouver un terrain d'entente et donc d'avoir de nouvelles institutions. Et donc l'idée lancée par le gouvernement togolais d'un dialogue, à mon sens, est salutaire. Mmh. C'est salutaire, c'est à encourager. D'accord. Parce que ça va permettre de mettre tout à plat. Mais malheureusement, malheureusement, c'est ce même pouvoir qui fuit, selon certains observateurs, le dialogue. On va en parler dans quelques minutes. Hein. On va en parler de ce dialogue. Mais avant de parler de ce dialogue, c'est nouveau Agbouta Zissou. Je vais encore relancer et Doyen et Apedo, puisque c'est la première fois qu'il est l'invité de cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique. Alors, avant de vous relancer, Joseph Apedo, sur le dialogue dont on parle, vous-même, vous l'avez tout à l'heure évoqué. Alors, depuis plus de 6 mois, le peuple togolais dans la rue, et vous l'avez vu, ce peuple togolais ne se fatigue pas malgré les intimidations de tout genre. La mobilisation ne faiblit pas, ni au Togo, ni dans la diaspora. Quelle est votre analyse de la situation, Joseph Apedo? Oui, le régime en place pense qu'il va perdre la partie et il ne pense pas que il y a un après l'exercice du pouvoir. D'accord. Je vous rappelle une question directe. Hein. L'opposition a réussi à mobiliser dans la rue près d'un million de Togolais. Et pourquoi l'opposition n'arrive pas à faire partie fort Nyasimbe, hein? C'est la question que se posent beaucoup de Togolais. Pourquoi l'opposition n'a pas profité de ces 1 million de Togolais-là? C'est la question qu'on se pose. Je ne sais pas, Pedro. Oui, alors là, tu me poses une question sur les mouvements sociaux et j'ai beaucoup étudié ça. J'ai étudié dans plusieurs pays, en Afrique ou en Amérique latine. Dans le cas du Togo, il y a trop de contradictions à l'intérieur des forces vives togolaises elles-mêmes. Vous voyez, le professeur, et c'est vrai, c'est un visionnaire, le professeur Tipi Achadam est un visionnaire en ce sens. Il a dit, si le serpent se fait coudre un pantalon, c'est qu'il a trouvé une solution pour sa queue. Deux, il a dit aussi dans un de ses discours qu'une femme enceinte n'annonce pas le jour où elle va accoucher. Demandez à mes sœurs et à toutes nos sœurs. Et donc, au Togo, nous voulons être intelligents et contrôlés, stabilisés, un peu comme en maçonnerie, ce qu'on est en train de construire. Et donc, il y a un déficit à ce niveau-là, peut-être. Mais c'est aussi parce que nous sommes rationnels, peut-être, et nous oublions l'émotion. Vous savez, quand Senghor disait que l'émotion est nègre et la raison est hélène, les gens l'ont beaucoup critiqué. En fait, sans émotion, qu'est-ce qu'on fait? Sans passion, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Donc, actuellement, le mouvement est en marche. Ne soyons pas plus pressés parce que nous n'avons pas toutes les ressources. Pendant 50 ans, le pays, l'opposition est muselée. Et les gens regardent toujours dans ce sens. Donc là, pour moi, dans la situation actuelle, et Zinsou a bien raison de parler de révolution, c'est-à-dire de retournement complet de notre façon de voir, justement, de penser d'accord. La vie collective. Un changement de mentalité sur tous les plans. On a compris votre position, Jusva Pedro. Le temps est contre nous. Il ne reste que 20 minutes puisqu'on a encore à discuter sur ce débat-là qui est annoncé, qui ne prend pas encore corps. C'est nouveau, Agbota, c'est sous joyeux. Hein? Donc, revenons sur ce dialogue annoncé, mais qui peine à prendre corps. Au fond, le régime togolais continue-t-il? Et par ses habitudes de fuite en avant et de mépris total vis-à-vis des aspirations primaires légitimes du peuple togolais, voire les préalables posés par la coalition des 14, c'est ce que vous pensez également, Juan Silva Agbota Zinsou? Je pense que l'une des tactiques du régime auquel nous avons à faire face est la fuite en avant ou la fuite tout court. Où chaque fois que la crise se déclenche, parce que nous vivons, il faut l'avouer, une crise permanente. À partir du moment où le Togo est une république, mais cette république-là, sur les papiers, est régie, est gouvernée comme un royaume. Donc, il y a forcément un conflit et forcément ce conflit-là doit être réglé. Maintenant, pourquoi les gens ne font plus confiance au dialogue? Pourquoi beaucoup de gens, y compris moi, d'accord, nous ne faisons plus confiance au dialogue? Pourquoi? Eh bien, la réponse est simple. Parce qu'il y en a eu 25 ou 26. 26 dialogues. Sans issue. Et aucun de ces dialogues n'ont rien donné. D'accord. Parce que nous nous heurtons à un régime. Doyen, c'est nous voir, Gotaz Issou. Avant de continuer, il faut qu'on réponde aussi à nos auditeurs. Et sur notre page Facebook, il y a un auditeur qui me dit, Sylvain, est-ce qu'on parle de dialogue ou de négociation? Il dit, hein, moi je suis confus. Et expliquez-moi un peu ce que c'est qu'un dialogue et une négociation. Que fait concrètement l'opposition de la coalition? C'est une négociation, c'est un dialogue. Il est bien vrai, vous ne faites pas partie de la coalition, mais vous parlez également de dialogue. C'est le dialogue ou bien de négociation? Oui, moi je dirais que dans tous les cas, il faut que quelque chose se négocie. Tout à fait. Tout à l'heure, la question était de savoir pourquoi, malgré le million et plus de citoyens dans la rue, on n'arrive pas à renverser ce pouvoir. Alors, la question est de savoir si ce pouvoir est physiquement, je veux dire, du point de vue des forces en présence qui ne sont pas de même nature, il y a une force qui est humaine, psychologique, qui est exprimée par le mot d'ordre « Asigbalolo » face à un pouvoir qui est physique, matériel, militaire et qui recourt à toutes sortes de brutalités, d'actes d'atrocités pour rester en place. Effectivement, s'il faut sur ce terrain-là se mesurer à la force que nous avons en face de nous, eh bien, ce n'est pas, demain la veille. Donc, Doyen Senouva Gotaz Issou, vous voulez insinuer que le rapport de force, c'est dans le camp de Fornia Sibé et non de l'opposition? Non, je dis la nature. La nature. La nature des forces n'est pas la même. D'accord, c'est-à-dire que Fornia Sibé est soutenu par l'armée et la coalition des 14... Fornia Sibé n'est pas seulement soutenu par l'armée. Fornia Sibé fait appel à des mercenaires, fait appel, les membres du parti de Fornia Sibé sont capables de se transformer en miliciens, ou bien ils font appel à des mercenaires, des miliciens extérieurs, qui égorgent, qui tuent, qui massacrent, qui frappent, hein, qui entrent dans les maisons, bon, etc. Alors, sur ce plan-là, il ne nous est pas possible de soutenir une concurrence avec le pouvoir en face. Alors, quel conseil... Il n'est même pas souhaitable que nous cherchions cela. D'accord, quel conseil... Il ne faut pas oublier aussi que les lieutenants de Fornia Sibé, dans leur déclaration, disent... Si vous voulez qu'ils partent, eh bien, prenez des armes. D'accord. Donc, ce sont des gens qui provoquent à la guerre civile. D'accord. Maintenant, ce que nous avons, c'est la force de caractère. C'est la détermination. Ce que nous avons, eh bien, c'est une arme psychologique. Et toute la question est de savoir quand est-ce que cette arme psychologique-là va agir sur un pouvoir aussi entêté que celui que nous avons. D'accord. On a compris votre position sur le dialogue, sur la négociation. On va voir ce que pense également Joseph Apedo, puisque tout à l'heure, Joseph Apedo disait que lui, hein, il est d'accord pour un dialogue, mais dans quel sens? C'est lui seul qui peut nous répondre. Joseph Apedo. Oui, le dialogue est un moyen... de mettre les cartes sur la table. Mais le Togo ne dialogue pas seul. On a connu 26 dialogues sans issue. Alors, dans la situation actuelle, le dialogue est une fuite en avant déjà pour le régime. Deux, lorsque la coalition des 14, que je salue vivement, a pris les choses en main, elle a accepté l'idée de dialogue, ok. Il faut que cette coalition nous propose d'aller au-delà de la simple décentralisation, par exemple. Je vais vous poser une question avant de continuer, Joseph Apedo, justement, oui. concernant, et pour question d'information également pour nos amis panafricains, concernant ce dialogue. Hein, d'ailleurs, des citoyens parlent plutôt de négociation, vous l'avez entendu tout à l'heure. On rappelle que c'est plutôt le gouvernement togolais qui avait mis l'idée d'aller au dialogue. Et même visiblement, le pouvoir de Faure Gnassingbé joue à la duplicité et fuit le dialogue selon les observateurs nationaux. Et là, on se pose la question, la coalition s'est-elle laissée piéger en acceptant d'aller à ce dialogue-là, Joseph Apedo? Oui, je réponds tout de suite oui. Parce qu'il y a un mouvement qui est en marche et la coalition n'était pas prête à être cohérente jusqu'au bout. Par exemple, il y a des députés de la coalition qui siègent toujours dans le Parlement. Ce qui est tout à fait normal quand même. Ouais, mais je ne leur dis pas de quitter, mais ils sont en contradiction avec les millions de gens dans la rue. Ça, c'est un. Deux, psychologiquement, et Vinsou a raison, nous au Togo, il y a une décadence morale chez nous. J'ai connu les Burkinabés pendant 4 ou 5 ans de ma vie. Et je peux vous dire, ou un exemple très simple, j'ai vu les sapeurs-pompiers faucher une dame, une étudiante par accident. Et tout le corps des sapeurs-pompiers est venu habillé dans le domicile. Et ils se relayaient, ils étaient à genoux, accroupis, et certains assis par terre, ils se sont humiliés parce qu'un des leurs, par accident, a fait cela. Et c'est pas pendant 10 minutes. C'est toute la journée, le jour suivant, j'ai observé cela. Au Togo, pas du tout. Ils s'en vont. Vous voyez, donc, c'est une décadence morale qui nous touche plus. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que nous sommes trop accrochés à l'argent et donc nous ne voyons plus tellement le sens de l'humain. Ce qui fait que se lancer sur des enjeux pour le commun, on n'a pas ça au Togo. On n'arrive pas encore. Donc la mobilisation actuelle est en train de construire cette dynamique. C'est pour ça que ceux qui sont très pressés non, ça met du temps parce que ces concepts n'étaient pas là. Moi, quand j'étais aux études ici, une dame, une jeune Burkinabé avait perdu sa mère. Le lendemain, les étudiants Burkinabés se sont cotisés, ils ont apporté le billet d'avion et la moitié du billet d'avion, ils ont remis à l'étudiante qui a pu aller. Est-ce que nous arrivons à faire ça parmi nous Togolais? Non. Donc nous avons ces problèmes psychologiques internes aussi qui fait que comme si on ne comprenait pas les enjeux. Donc il y a ça. 1 million de personnes dans la rue, ça ne va pas à la plage, s'il vous plaît. Lorsque aux États-Unis en 1963, les objecteurs de conscience demandaient la reconnaissance des gay pride, les luttes homosexuelles, l'égalité féminine et tout ça. Quand ils sont venus dans la capitale, mon Dieu, c'est plein. Et donc, le gouvernement a dû tenir compte. Chez nous, on n'arrive pas parce que les directions que nous prenons ne sont pas, sont en inadéquation avec les objectifs poursuivis. Et donc, il y a tout ce travail de la coalition qui doit revoir aussi ses stratégies. D'accord. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais en même temps, il faut regarder l'espace dans lequel on se mobilise. On ne va pas disperser les gens à la plage et ainsi de suite. D'accord. Ça va durer combien de temps encore? D'accord. Voilà la question que tu es en train de... Justement. Nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. et de ce débat citoyen. Rapidement, Doyen Sinvoagbo Tazissou, nous parlons toujours de ce dialogue qui peine à prendre corps. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt maintenant, selon des observateurs nationaux, le pouvoir qui fuit ce dialogue que lui-même avait initié. Là, on nous parle de médiateurs Alpha Condé et de Nana Akufo-Addo du Ghana. On a annoncé plusieurs fois des médiations et que jusque-là, rien quand même n'est sorti de concret pour ce dialogue-là. Alors, ça dit, on s'attend quoi, Sinvoagbo Tazissou, par rapport à cette crise au Togo? Je m'excuse de terminer cette émission un peu comme je l'ai commencé. Nous avons un pouvoir qui est pris de panique. Pris de panique pour les raisons qu'on sait. Ce sont des gens qui ont des privilèges et qui, s'ils perdent ces privilèges-là, ne savent pas où ils vont les retrouver, comment ils vont vivre, etc., etc. S'il doit y avoir dialogue avant que ces gens quittent le pouvoir, eh bien, c'est qu'on les rassure qu'on ne va pas se venger, il n'y aura pas de représailles, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, et qu'ils vont vivre normalement comme tous les citoyens. Mais le grand problème est d'arriver à leur faire comprendre que rationnellement, ils ont échoué. Ils ne font pas le bonheur des Togolais et petit à petit, ils ne font pas leur propre bonheur. Si je ne dors pas parce que j'ai peur continuellement de perdre le pouvoir, de perdre mes avantages, eh bien, je ne peux pas me dire heureux. Et je crois, franchement, que ces gens-là, ils sont dans cette situation. Alors, le dialogue est pour eux comme un ballon d'essai. Le dialogue fait partie de tout l'arsenal qu'ils ont été capables de mettre en place et qui ont presque tous échoué. Toutes ces tentatives ont échoué. Donc il leur faut continuellement trouver quelque chose pour conserver le pouvoir, pour continuer à jouir du pouvoir, parce que il y a une telle peur du lendemain qu'ils ne sont pas capables rationnellement de voir la situation en face. Le jour où ils commenceront à voir la situation en face, ils parviendront peut-être à cette humilité dont parlait tout à l'heure M. Apedo. L'humilité, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement de dire au peuple togolais, nous avons commis des erreurs, nous nous sommes fourvoyés, nous avons échoué, eh bien, il faut tout faire pour qu'une nouvelle équipe soit en place. À partir de ce moment-là, ils seront des gens avec qui on peut réellement dialoguer pour savoir comment ils vont partir, avec quoi ils vont partir, à qui ils doivent faire des comptes. Et c'est simple. Et en ce moment-là, ce n'est pas eux qui gagneront. Ce n'est pas l'opposition actuelle qui gagnera. Ce n'est pas l'homme qui sera porté à la présidence de la République qui aura gagné, mais c'est le Togo. Notre compatriote Apedo disait tout à l'heure que les hommes passent, les États restent. Tout à fait. Tout à fait. La nation reste. Tout à fait. Bon, ce qu'ils sont en train de faire, franchement, c'est à un niveau tellement enfantin, tellement bas, que moi je ne vois pas on comprend votre indignation Doyen, on vous laissera une minute pour clôturer ce débat. On va clôturer ce débat au menu de la crise politique togolaise, le point de désaccord relatif à l'interdiction faite à tout Togolais d'aller au-delà de deux mandats. En un mot, le retour à la constitution originelle de 1992. Face à cela, le pouvoir fonce droit vers un référendum couplé aux élections législatives et locales. En revanche, l'opposition et la grande majorité du peuple s'y opposent. Pourquoi le référendum, bien qu'étant une disposition de la Constitution, est-il suicidaire pour le combat que mène le peuple togolais? Quel est votre mot pour clôturer ce débat, Youssef Apedo? Je salue mes frères et mes sœurs togolais. Je salue le travail que votre radio fait. Je salue l'honneur, l'insigne honneur que m'a fait Fenouvos Issoua Gota de discuter. Et je salue toutes les forces vives togolaises à l'intérieur du Togo, comme dans la diaspora, aux États-Unis, en Europe et dans le monde entier et en Afrique. Oui, le Togo, c'est notre chère patrie. Le régime en place a une approche du pouvoir personnel. Alors que dans le monde entier, c'est l'État qui doit être affermi, consolidé. C'est l'État qui doit rayonner. C'est le Togo qui doit devenir quelque chose de magnifique, de respectueux et de digne humainement. Ils n'ont pas ce concept, nous le leur apportons. Et ainsi, ils réfléchiront parce que les fils d'un même pays sont insensés de se tuer, de se massacrer, alors qu'il y a des enjeux d'éducation, de santé, il y a plein d'aménagement du territoire, il y a plein de choses à faire ensemble, de routes à construire. Nos populations sont isolées, n'ont pas de route, n'ont pas d'eau. Et donc, mon dernier mot, c'est de dire que nous devons tous ensemble inventer une utopie. L'utopie d'un Togo meilleur, d'un Togo pour nous tous en fait, et pour l'humanité entière. Et donc le combat qui se mène est dirigé vers le régime pour qu'il comprenne qu'il triche les élections. S'il fait le référendum en règle, il perd ce référendum. S'il fait les élections sans contourner les populations, il n'a pas 7%. Et donc, ils ne peuvent pas continuer de se cacher ou de se voiler la face. Le monde entier le sait. Allez dans les chancelleries, tout le monde connaît les chiffres du Togo. Vous savez combien de journalistes, d'experts en politologie qui étaient venus au Togo depuis août jusqu'à aujourd'hui? C'est des milliers. Ils ont déjà étudié la situation, ils connaissent. Et donc, c'est ce chemin d'utopie que nous devrions inventer ensemble. Et voilà ma modeste contribution. Je vous remercie infiniment. Merci également à vous, Joseph Apedo. Vous êtes philosophe et politologue. Vous êtes ici même en Suisse, à Genève. Merci et bonsoir. Bonsoir à vous, Amos. Doyen Sénouva Gbota Zissou, la crise togolaise perdure. À quand le bout du tunnel? C'est la question que se posent beaucoup de Togolais. La mobilisation continue, tant au Togo et comme de la diaspora. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à faire partie fort de la signe du pouvoir? Quel est votre mot pour conclure ce débat citoyen? Doyen Sénouva Gbota Zissou. Je commencerai moi aussi par te remercier, Sylvain, pour cette émission, mais aussi pour tout le travail que tu as fait. Et je crois l'avoir déjà dit, tu n'es pas seul, il y a d'autres compatriotes qui participent à cette lutte. En faisant prendre conscience à nos compatriotes, à nos concitoyens de la situation. Il ne faut pas croire que ce que nous disons, ce que nous écrivons, etc., soit dirigé contre qui que ce soit. Ce n'est pas dirigé contre quelqu'un, mais c'est pour quelque chose, c'est pour un idéal. Et cet idéal est celui que notre compatriote Apedo, que je salue au passage, vient de définir qui doit nous unir plutôt que nous diviser. Il s'agit de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et de toutes les générations qui vont venir. Dans la situation actuelle, le pouvoir est en train de tenter plusieurs choses pour voir qu'est-ce qui va réussir, qu'est-ce qui ne va pas réussir. Et heureusement, je m'en réjouis personnellement, plusieurs de ces tentatives ont déjà échoué. Moi, je serai à la place des responsables du parti Unir que je réfléchirai, non pas en tirant la couverture de mon côté, non pas en termes d'égoïsme étroit, non pas en termes d'étroitesse d'esprit, mais en termes d'avenir, en termes d'élargissement de la vision. On a compris, on sera coupé. 30 secondes pour conclure. Et cette vision, eh bien, c'est la vision du Togo de demain. Tout à fait. Je reviens sur le dialogue et je dis qu'il y a un dialogue avant qui doit définir les conditions dans lesquelles le pouvoir actuel cédera la place à un autre pouvoir. Et un dialogue après le départ de ce système pour voir comment on peut redémarrer, repartir sur de nouvelles bases. Je conclurai avec ces considérations sur le dialogue que nous devons comprendre comme un dialogue avant et un dialogue après, les deux n'ayant pas exactement les mêmes objectifs. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous également, Joyce Nouvoagbota Tissot, ancien membre du Haut Conseil de la République, auteur de plusieurs articles sur le combat démocratique au Togo. Vous êtes en ligne depuis l'Allemagne. Merci à vous, auditrices, auditeurs, combattants de la liberté pour la tenance pacifique au Togo. Merci de nous avoir suivis également sur Radio à Volété, la voix de la résidence du peuple togolais FM Liberté Radio de Liban. Nous vous disons, la lutte continue. Coucou le Tetinta, bonsoir et à samedi prochain. Constitution de 1992, Constitution de retour, c'est de ça que mon peuple veut de retour. Constitution de retour, écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi le dia, et yenibé, ton trône va. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi le bioa, et yenibé, à mes bouneva. Le temps du changement est arrivé. Il est temps, le peuple réclame le changement. Le temps du changement est arrivé. Il est temps, c'est la voix du peuple qui parle. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi le bien, et yenibé, amen pour ne va. et doit les bien trop trop. Oh non, là, c'est doit bégayer. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui tout quoi le tia, et y'en y bé, à me bouné va. Le peuple veut plus de toi. Cherche pas problème, oh, va dans la paix. Prends comme un thème, yeah. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et moquer du quoi les diables, et inhiber notre névat. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et moquer du quoi les diables. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Ouais, qui pourra dire non? Nous demandons le retour de la constitution de 1992 qui dit qu'en aucun cas, aucun président ne fera plus de 2 mandats. Et ceci a été voté par les 97% du peuple togolais. Yama! Écoute la voix du peuple.